Je veux passer de l'ombre à la lumière, trouver la flamme comme les ancêtres ont dû le faire. Évoluer dans ces tensions qui ondulent, frère. Le plan vers le bon chemin, plus d'un ont dû le perdre. Perdu dans le vice ou l'adultère, je comprends ça au-delà des méthodes, de mes copes et de mon ulcère. Certains ont croqué la pomme, moi j'en ai vu le vert. J'esquive le matériel malgré ma demande d'air pur. Mes pieds réclament toujours les bulles d'air. À chaque fois que je traque un peu de confort, c'est la merde. Depuis que je sors de la misère, je ne veux plus entendre les termes précarité ou galère. Je maudis le système, ces crédits qu'on te suggère. Et finalement qu'on te refuse car tu ne rentres plus dans leurs critères. France, entends-tu mes cris, merde? Certes ces derniers s'envolent, seul ce que j'écris reste. Je veux passer de l'ombre à la lumière, effacer cette froideur que j'ai dans le cœur et sur le visage, mon frère. Je veux passer de l'ombre à la lumière, retrouver cette chaleur que j'ai du père. C'est ça même, ouais ça même, même si c'est la merde. Ouais, ouais. Je veux passer de l'ombre à la lumière, retrouver cette chaleur que j'ai du père. C'est ça même, ouais ça même, peu importe où ça mène. Peu à peu, je retrouve un peu plus de chaleur dans les yeux de ceux qui m'accompagnent. Je n'attendrai pas le miracle, je ne me contenterai plus des mirages. De l'ombre à la lumière, moi je veux juste tourner la page, couper la part, ouvrir la cage, sortir de la cave, remonter l'épave, gravir les étages, franchir les étapes, grandir, prendre de l'âge. J'aspire à chercher la victoire, moi. Arrêter de jouer les victimes sans arrêt, rejeter cette négativité qui de moi s'emparait sans pareil. J'étais une vitrine vide, sans avenir, le beat d'une vie. Seul on s'endoctrine vite à l'ombre des mauvaises ondes. C'est à la petite cuillère que je ramasse la lumière des bonnes résolutions. Je transcris tout ça dans ma verre, mes rimes, mon élocution. Loin de devenir un sombrero, ouais gros, je continuerai le taf sur moi-même, parler mon frérot. Je vois passer de l'ombre à la lumière, retrouver cette chaleur que j'ai du père. C'est ça même, ouais ça même, même si c'est la merde. Ouais, ouais, je passe de l'ombre à la lumière, retrouver cette chaleur que j'ai du père. C'est ça même, ouais ça même, peu importe où ça mène. Arrêtez-moi, arrêtez-vous, arrêtez tout. Prenez le temps tant qu'il vous en reste encore. Levez la tête, appréciez les proches ou le décor. Moi je le fais dès que chante la lumière des gens. Certains déchantent et marchent à l'ombre de ce qu'ils se disent. Je préfère les déjantés, ceux qui improvisent. Les produits de banlieue de province nourris aux pensées positives. Mon passage vers la lumière, moi je le poste ici. Postiché sur ces mots, je campe à long terme, un peu comme une calvitie. Je garde mon humour, mes amours, ça rend invincible. Rien de difficile à nourrir, une flamme invisible. On se bâtit un nom, je me présente Luca Jimmy. On se tend la main, je te dis bienvenue l'ami. C'est, passons d'ombre à lumière si ça dit. Nous sommes tous conçus pour briller, comme les enfants. Ce n'est pas donné qu'à quelques-uns, c'est en nous tous. En laissant briller notre propre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres le pouvoir d'en faire autant. Si nous nous libérons de notre propre peur, notre présence seule pourra aussi libérer les autres. Tenez à vous remercier. Merci de m'avoir sauvé. Je veux passer de l'ombre à la lumière, retrouver cette chaleur que j'ai du père. C'est ça même, ouais ça même, même si c'est la merde. Ouais, ouais. Je veux passer de l'ombre à la lumière, retrouver cette chaleur que j'ai du père. C'est ça même, ouais ça même, peu importe où ça mène.